Ce matin, François Morel nous ramène 12 ans en arrière, le 1er janvier 2010. Si dans votre voiture venant de Suresnes, de Courbevoie ou de Levallois-Perret, vous quittez les bords de Seine juste après le pont de Clichy pour rejoindre l'autoroute A15 en direction de Cergy-Pontoise, vous passez sous un pont d'Asnières-sur-Seine. Si vous prenez la peine de lever la tête, vous avez toutes les chances d'y apercevoir ce vendredi après-midi un être étonnant. Étonnant non par sa mine ou son aspect, mais par l'originalité de sa conduite. Son non-conformisme déclaré ne s'exprime pas par des cheveux verts ou des épingles à nourrice dans le nez, mais par un mental peu commun. Je ne sais pas son nom, je ne connais pas son âge, son origine, sa nationalité, je ne sais rien de lui. Sauf une chose, il passe tous les vendredis après-midi sur ce pont avec un panneau sur lequel il a écrit à la peinture « Bon week-end à tous ». C'est tout. Juste un message amical et bienveillant pour les automobilistes qui passent sous ce pont d'Asnières-sur-Seine. Est-il un retraité qui s'ennuie, un illuminé qui yoyote, un vieux garçon qui trompe sa solitude en allant observer la multitude occupée à s'agiter ? On n'en sait rien. Les automobilistes qui le regardent sont indifférents ou amusés, moqueurs ou touchés. Cher monsieur que je ne connais pas, je voulais vous dédier cette première chronique du vendredi de l'année 2010 que peut-être vous n'écouterez jamais. Pour vous remercier de vos vœux, souvent reçus, et auxquels jamais je n'ai pu répondre. Pour vous encourager à continuer votre œuvre si pacifique et si amicale. Il est précieux votre message du pont d'Asnières, tant il paraît anachronique, à l'époque où l'efficacité fait figure de ligne de vie, où la productivité voudrait passer pour un destin, tant il semble délicat, poétique, décalé, dans un monde où les méchants ont pignon sur rue, où les individualistes tiennent le haut du pavé. Combattant de l'inutile, compagnon du dérisoire, vous ouvrez une parenthèse débonnaire dans les discours impitoyables de la modernité. Nous sommes des milliards d'êtres humains sur la planète, pour la plupart ballottés, rejetés, écrasés, humiliés, appauvris, dépréciés, dégradés, dévalorisés. On se jette par les fenêtres pour échapper à la violence d'un monde toujours plus cruel aux faibles. On se partage en haut lieu les dividendes de la combine et du chacun pour soi. Mais un monsieur, que l'on ne connaît pas, sort de chez lui pour délivrer un message de paix et de consolation à des gens qu'il ne connaît pas. Il en faut du courage, de l'inconscience ou de l'obstination pour affronter, comme vous le faites, la moquerie facile, la raillerie médiocre, le cynisme ambiant. Et je pensais à une phrase de Jules Renard qui, quelque part dans son journal, a écrit « La gentillesse, c'est le courage qui sourit ». Je sais bien que c'est le jour idéal pour souhaiter la bonne année, mais je préfère, en solidarité avec l'inconnu du pont d'Asnières, me poster par la pensée à ses côtés et délivrer à des êtres humains inconnus et fraternels cette déclaration parfaitement sublime, magnifiquement insignifiante. Bon week-end à tous. France Inter.